Titre mes textes à l'encre d'Afrique et menotté. Jean baissé, j'peux pas mettre de high kick. 38 chargé sur le côté. Le vigile me suit dans le magasin. Il a raison, il me connaît. Sinistre, négro et sarrasin. Boule à zéro sous le bonnet. Le malheur est dans le béton. Le bonheur est dans le pré. C'est cafard, on est dans le béton. La 09, j'ai dans le pré. J'boxe avec le mot. Mohamed Ali m'a couronné. J'suis dans le tchop, j'suis ni de Miami ni de Boulogne. Mon ciel est noir, j'ai demandé à Bolloré de le colorer. Quelques boutiques de Suez, arrête du faubourg Saint-Honoré. C'est string et j'suis culotté. J'suis une tonne de bédos, t'es un culotté. Si t'es un avion de chasse, on va cracher ses fleurs, j'sais pas piloter. Claque sur le boule, elle me suce quand elle roule. Cagoule sur le genou, pas du Mika et Lyon. Prochaine de rappeur assis pour le Missouri. Y'a ton arrière-grand-mère à la puce qui sait pas qui je suis. Qu'est-ce qui se passe, oh, il rend des boutons. Qu'est-ce qui se passe, ouais, j'ai une petite mine. Fais pas le fou sur IG, sur Snap, fais pas le fou sur Twitter, je te mets mieux. Je suis né quand les colons ont marché sur Pékin. L'union fait l'appartement aux victimes. Je ne suis pas les marmots, je suis un chic. Que des numéros où le monde est tic-tic. Barbe noire, vigne au corsaire. Cours de promenade, hélicoptère. Duo armé sur le Hornet. Niggas affamés sur le corner. Vitesse lumière sur la voie 7. Je me referai pas mon prochain. Fais le fou avec moi dans la poche. J'suis au KLM sur la 3Z. Trouve-moi dans le tueur, puis je ne suis pas de ce monde. J'passe de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Y'a même plus de repas tellement elle est haute. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Tu suis toute la nuit, t'as ragnagna. T'es presque comme la meuf à Sanya. Chargeur en forme de banana. J'suis comme s'il n'y avait pas de manana. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Que Dieu me punisse. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Je vais rentrer dans leur boue. Pas dans leur monde, comme l'aurait souhaité pas un, à l'air à nous. Heaven, que Dieu me bénisse. Que ma punisse, être comme un. Que ma punisse, être comme un. Que Dieu me bénisse, que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse.